Section 40. Troisième partie, livre 12e. Suite. Voulez-vous vous convaincre de l'énorme différence de mérite et de gloire entre un grand écrivain et un grand politique ? Mes travaux de diplomate ont été sanctionnés par ce qui est reconnu l'habileté suprême, c'est-à-dire par le succès. Quiconque pourtant lira jamais ce mémoire le sautera sans doute à pieds joints et j'en ferai autant à la place des lecteurs. Note. Les lecteurs, je l'espère bien, ne sauteront pas une ligne de ce mémoire, chef-d'œuvre de logique et de patriotisme, et ce qui ne gâte rien, chef-d'œuvre de style. Chateaubriand n'a pas écrit de page qui lui fasse plus d'honneur. Fin de note. Eh bien, supposez qu'au lieu de ce petit chef-d'œuvre de chancellerie, on trouva dans cet écrit quelques épisodes à la façon d'Homère ou de Virgile. Le ciel m'eût-il accordé leur génie ? Pensez-vous qu'on fût tenté de sauter les amours de Didon à Carthage ou les larmes de Priam dans la tente d'Achille ? À Madame Récamier. Mercredi, Rome, ce 10 décembre 1828. Je suis allée à l'Académie Tibérine, dont j'ai l'honneur d'être membre. J'ai entendu des discours fort spirituels et de très beaux vers. Que d'intelligence perdue ! Ce soir, j'ai mon grand Ricevimento. J'en suis consterné en vous écrivant. 11 décembre. Le grand Ricevimento s'est passé à merveille. Madame de Chateaubriand est ravie parce que nous avons eu tous les cardinaux de la terre. Toute l'Europe, à Rome, était là avec Rome. Puisque je suis condamné pour quelques jours à ce métier, j'aime mieux le faire aussi bien qu'un autre ambassadeur. Les ennemis n'aiment aucune espèce de succès, même les plus misérables, et c'est les punir que de réussir dans un genre où ils se croient eux-mêmes sans égal. Samedi prochain, je me transforme en chanoine de Saint-Jean-de-Latran, et dimanche, je donne à dîner à mes confrères. Une réunion plus de mon goût est celle qui a lieu aujourd'hui. Je dîne chez Guérin, avec tous les artistes, et nous allons arrêter votre monument pour le Poussin. Un jeune élève plein de talent, M. Després, fera le bas-relief pris d'un tableau du grand peintre, et M. Lemoine fera le buste. Il ne faut ici que des mains françaises. Pour compléter mon histoire de Rome, Madame de Castres est arrivée. C'est encore une de ces petites filles que j'ai fait sauter sur mes genoux comme Césarine, Madame de Barante. Cette pauvre femme est bien changée. Ses yeux se sont remplis de larmes quand je lui ai rappelé son enfance, alors moi. Il me semble que l'enchantement n'est plus chez la voyageuse. Quel isolement ! Et pour qui ? Voyez-vous, ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller vous retrouver le plus tôt possible. Si mon Moïse descend bien de la montagne, je lui emprunterai un de ses rayons pour reparaître à vos yeux tout brillant et tout rajeuni. Samedi 13. Mon dîner à l'Académie s'est passé à merveille. Les jeunes gens étaient satisfaits. Un ambassadeur dînait chez eux pour la première fois. Je leur ai annoncé le monument au Poussin. C'était comme si j'honorais déjà leur cendre. Jeudi 18 décembre 1828. Au lieu de perdre mon temps et le vôtre à vous raconter les faits et gestes de ma vie, j'aime mieux vous les envoyer tout consignés dans le journal de Rome. Voilà encore 12 mois qui achèvent de tomber sur ma tête. Quand me reposerai-je ? Quand cesserai-je de perdre sur les grands chemins les jours qui m'étaient prêtés pour en faire un meilleur usage ? J'ai dépensé sans regarder tant que j'ai été riche. Je croyais le trésor inépuisable. Maintenant, en voyant combien il est diminué et combien peu de temps il me reste à mettre à vos pieds, il me prend un serrement de cœur. Mais n'y a-t-il pas une longue existence après celle de la terre ? Pauvre et humble chrétien, je tremble devant le jugement dernier de Michel-Ange. Je ne sais où j'irai, mais partout où vous ne serez pas, je serai bien malheureux. Je vous ai 100 fois mandé mes projets et mon avenir. Ruine, santé, perte de toute illusion, tout me dit « Va-t'en, retire-toi, fini. Je ne retrouve, au bout de ma journée, que vous. Vous avez désiré que je marquasse mon passage à Rome, c'est fait. Le tombeau du Poussin restera. Il portera cette inscription, F.A.2.CH, à Nicolas Poussin, pour la gloire des arts et l'honneur de la France. Qu'ai-je maintenant à faire ici ? Rien, surtout après avoir souscrit pour la somme de 100 ducats au monument de l'homme que vous aimez le plus, dites-vous, après moi, le Tasse. Rome, le samedi 3 janvier 1829. Je recommence mes souhaits de bonne année. Que le ciel vous accorde santé et longue vie. Ne m'oubliez pas. J'ai espérance, car vous vous souvenez bien de monsieur de Montmorency et de madame de Staël. Vous avez la mémoire aussi bonne que le cœur. Je disais hier à madame Salvage que je ne connaissais rien dans le monde d'aussi beau et de meilleur que vous. J'ai passé hier une heure avec le pape. Nous avons parlé de tout et des sujets les plus hauts et les plus graves. C'est un homme très distingué et très éclairé, et un prince plein de dignité. Il ne manquait aux aventures de ma vie politique que d'être en relation avec un souverain pontife. Cela complète ma carrière. Voulez-vous savoir exactement ce que je fais ? Je me lève à 5h30, je déjeune à 7h, à 8h je reviens dans mon cabinet, je vous écris ou je fais quelques affaires, quand il y en a, les détails pour les établissements français et pour les pauvres français sont assez grands. À midi, je vais errer 2 ou 3 heures parmi des ruines ou à Saint-Pierre ou au Vatican. Quelquefois, je fais une visite obligée avant ou après la promenade. À 5h, je rentre, je m'habille pour la soirée, je dîne à 6h. À 7h30, je vais à une soirée avec madame de Chateaubriand où je reçois quelques personnes chez moi. Vers 11h, je me couche ou bien je retourne encore dans la campagne malgré les voleurs et la malaria. Qu'y fais-je ? Rien. J'écoute le silence et je regarde passer mon ombre de portique en portique le long des aqueducs éclairés par la lune. Les Romains sont si accoutumés à ma vie méthodique que je leur sers à compter les heures. Qu'ils se dépêchent. J'aurai bientôt achevé le tour du cadran. Rome, jeudi 8 janvier 1829. Je suis bien malheureux. Du plus beau temps du monde, nous sommes passés à la pluie, de sorte que je ne puis plus faire mes promenades. C'était pourtant là le seul bon moment de ma journée. J'allais, pensant à vous, dans ces campagnes désertes. Elles liaient dans mes sentiments l'avenir et le passé, car autrefois je faisais aussi les mêmes promenades. Je vais une ou deux fois la semaine à l'endroit où l'Anglaise s'est noyée. Qui se souvient aujourd'hui de cette pauvre jeune femme, Miss Bathurst ? Ses compatriotes galopent le long du fleuve, sans penser à elle. Le Tibre, qui a vu bien d'autres choses, ne s'en embarrasse pas du tout. D'ailleurs, ses flots se sont renouvelés. Ils sont aussi pâles et aussi tranquilles que quand ils ont passé sur cette créature pleine d'espérance, de beauté et de vie. Me voilà guindé bien haut, sans m'en être aperçu. Pardonnez à un pauvre lièvre retenu et mouillé dans son gîte. Il faut que je vous raconte une petite historiette de mon dernier mardi. Il y avait à l'ambassade une foule immense. Je me tenais le dos appuyé contre une table de marbre, saluant les personnes qui entraient et sortaient. Une Anglaise, que je ne connaissais ni de nom ni de visage, s'est approchée de moi, m'a regardé entre les deux yeux et m'a dit avec cet accent que vous savez, « Monsieur de Chateaubriand, vous êtes bien malheureux. » Étonné de l'apostrophe et de cette manière d'entrer en conversation, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a répondu « Je veux dire que je vous plains. » En disant cela, elle a accroché le bras d'une autre Anglaise, s'est perdue dans la foule et je ne l'ai pas revue du reste de la soirée. Cette bizarre étrangère n'était ni jeune ni jolie. Je lui sais gré, pourtant, de ses paroles mystérieuses. Vos journaux continuent à rabâcher de moi. Je ne sais quelle mouche les pique. Je devais me croire oublié autant que je le désire. J'écris à M. Thierry par le courrier. Il est ailleurs, bien malade. Pas un mot de réponse de M. de la Bouillerie. À M. Thierry, Rome, ce 8 janvier 1829. J'ai été bien touché, monsieur, de recevoir la nouvelle édition de vos lettres, avec un mot qui prouve que vous avez pensé à moi. Si ce mot était de votre main, j'espérerais pour mon pays que vos yeux se rouvriraient aux études dont votre talent tire un si merveilleux parti. Je lis, ou plutôt relis avec avidité, cet ouvrage, trop court. Je fais des cornes à toutes les pages, afin de mieux rappeler les passages dont je veux m'appuyer. Je vous citerai beaucoup, monsieur, dans le travail que je prépare depuis tant d'années sur les deux premières races. Je mettrai à l'abri mes idées et mes recherches derrière votre haute autorité. J'adopterai souvent votre réforme des noms. Enfin, j'aurai le bonheur d'être presque toujours de votre avis, en m'écartant bien malgré moi, sans doute, du système proposé par M. Guizot. Mais je ne puis, avec cet ingénieux écrivain, renverser les monuments les plus authentiques, faire de tous les Francs des nobles et des hommes libres, et de tous les Romains gaulois des esclaves des Francs. La loi salique et la loi ripuaire ont une foule d'articles fondés sur la différence des conditions entre les Francs. si quis ingenuus ingenuum ripuarium extra solum wendiderit, etc., etc. Vous savez, monsieur, que je vous désirais vivement à Rome. Nous nous serions assis sur des ruines. Là, vous m'auriez enseigné l'histoire. Vieux disciple, j'aurais écouté mon jeune maître avec le seul regret de n'avoir plus devant moi assez d'années pour profiter de ses leçons. Tel est le sort de l'homme, il s'instruit avec l'âge, mais que sert d'être sage quand le terme est si près ? Ces vers sont d'une ode inédite faite par un homme qui n'est plus, par mon bon et ancien ami Fontane. Ainsi, monsieur, tout m'avertit, parmi les débris de Rome, de ce que j'ai perdu, du peu de temps qui me reste, et de la brièveté de ces espérances qui me semblaient si longues autrefois. Spem longam. Croyez, monsieur, que personne ne vous admire et ne vous est plus dévoué que votre serviteur. Dépêche à monsieur le comte de la Ferronnays. Rome, ce 12 janvier 1829. Monsieur le comte, j'ai vu le pape le 2 de ce mois. Il a bien voulu me retenir tête à tête pendant 1 heure et demie. Je dois vous rendre compte de la conversation que j'ai eue avec sa sainteté. Il a d'abord été question de la France. Le pape a commencé par l'éloge le plus sincère du roi. « Dans aucun temps, m'a-t-il dit, la famille royale de France n'a offert un ensemble aussi complet de qualités et de vertus. Voilà le calme rétabli parmi le clergé. Les évêques ont fait leur soumission. Cette soumission, ai-je répondu, est due en partie aux lumières et à la modération de votre sainteté. J'ai conseillé, a répliqué le pape, de faire ce qui me semblait raisonnable. Le spirituel n'était point compromis par les ordonnances. Les évêques auraient peut-être mieux fait de ne pas écrire leur première lettre, mais après avoir dit « non possumus », il aurait été difficile de reculer. Ils ont tâché de montrer le moins de contradictions possibles entre leurs actions et leur langage au moment de leur adhésion. Il faut le leur pardonner. Ce sont des hommes pieux, très attachés au roi et à la monarchie. Ils ont leurs faiblesses comme tous les hommes. Tout cela, monsieur le comte, était dit en français très clairement et très bien. Après avoir remercié le Saint-Père de la confiance qu'il me témoignait, je lui ai parlé avec considération du cardinal secrétaire d'État. « Je l'ai choisi, m'a-t-il dit, parce qu'il a voyagé, qu'il connaît les affaires générales de l'Europe et qu'il m'a semblé avoir la sorte de capacité que demande sa place. Il n'a écrit relativement à vos deux ordonnances que ce que je pensais et que ce que je lui avais recommandé d'écrire. Oserais-je communiquer à sa sainteté, ai-je repris, mon opinion sur la situation religieuse de la France ? Vous me ferez grand plaisir, m'a répondu le pape. Je supprime quelques compliments que sa sainteté a bien voulu m'adresser. Je pense donc, très Saint-Père, que le mal est venu dans l'origine d'une méprise du clergé. Au lieu d'appuyer les institutions nouvelles, ou du moins de se taire sur ces institutions, il a laissé échapper des paroles de blâme, pour ne rien dire de plus, dans des mandements et dans des discours. L'impiété, qui ne savait que reprocher à de saints ministres, a saisi ses paroles et en a fait une arme. Elle s'est écriée que le catholicisme était incompatible avec l'établissement des libertés publiques, qu'il y avait guerre à mort entre la charte et les prêtres. Par une conduite opposée, nos ecclésiastiques auraient obtenu tout ce qu'ils auraient voulu de la nation. Il y a un grand fond de religion en France, et un penchant visible à oublier nos anciens malheurs au pied des autels. Mais aussi il y a un véritable attachement aux institutions apportées par les fils de Saint-Louis. On ne saurait calculer le degré de puissance auquel serait parvenu le clergé s'il s'était montré à la fois l'ami du roi et de la charte. Je n'ai cessé de prêcher cette politique dans mes écrits et dans mes discours, mais les passions du moment ne voulaient pas m'entendre et me prenaient pour un ennemi. Le pape m'avait écouté avec la plus grande attention. « J'entre dans vos idées, m'a-t-il dit, après un moment de silence. » Jésus-Christ ne s'est point prononcé sur la forme des gouvernements. Rendez à César ce qui appartient à César, veut seulement dire obéissez aux autorités établies. La religion catholique a prospéré au milieu des républiques comme au sein des monarchies. Elle fait des progrès immenses aux États-Unis. Elle règne seule dans les Amériques espagnoles. Ces mots sont très remarquables, monsieur le comte, au moment même où la cour de Rome incline fortement à donner l'institution aux évêques nommés par Bolivar. Le pape a repris « Vous voyez quelle est l'affluence des étrangers protestants à Rome. Leur présence fait du bien au pays, mais elle est bonne encore sous un autre rapport. Les Anglais arrivent ici avec les plus étranges notions sur le pape et la papauté. sur le fanatisme du clergé, sur l'esclavage du peuple dans ce pays. Ils n'y ont pas séjourné 2 mois qu'ils sont tout changés. Ils voient que je ne suis qu'un évêque comme un autre évêque, que le clergé romain n'est ni ignorant ni persécuteur, et que mes sujets ne sont pas des bêtes de somme. Encouragé par cette espèce d'effusion du cœur et cherchant à élargir le cercle de la conversation, j'ai dit au souverain pontife « Votre sainteté ne penserait-elle pas que le moment est favorable à la recomposition de l'unité catholique, à la réconciliation des sectes dissidentes par de légères concessions sur la discipline ? Les préjugés contre la cour de Rome s'effacent de toutes parts, et dans un siècle encore ardent, l'œuvre de la Réunion avait déjà été tentée par Leibniz et Bossuet. « Ceci est une grande chose, m'a dit le pape, mais je dois attendre le moment fixé par la Providence. Je conviens que les préjugés s'effacent. La division des sectes en Allemagne a amené la lassitude de ces sectes. En Saxe, où j'ai résidé 3 ans, j'ai le premier fait rétablir un hôpital des enfants trouvés, et obtenu que cet hôpital serait desservi par des catholiques. Il s'éleva alors un cri général contre moi parmi les protestants. Aujourd'hui, ces mêmes protestants sont les premiers à applaudir à l'établissement et à le doter. Le nombre des catholiques augmente dans la Grande-Bretagne. Il est vrai qu'il s'y mêle beaucoup d'étrangers. Le pape ayant fait un moment de silence, j'en ai profité pour introduire la question des catholiques d'Irlande. Si l'émancipation a lieu, ai-je dit, la religion catholique s'accroîtra encore dans la Grande-Bretagne. C'est vrai d'un côté, a répliqué sa sainteté. Mais de l'autre, il y a des inconvénients. Les catholiques irlandais sont bien ardents et bien inconsidérés. O'Connell, d'ailleurs, homme de mérite, n'a-t-il pas été dire dans un discours qu'il y avait un concordat proposé entre le Saint-Siège et le gouvernement britannique ? Il n'en est rien. Cette assertion que je ne puis contredire publiquement m'a fait beaucoup de peine. Ainsi, pour la réunion des dissidents, il faut que les choses soient mûres et que Dieu achève lui-même son ouvrage. Les papes ne peuvent qu'attendre. Ce n'était pas là, monsieur le comte, mon opinion, mais s'il m'importait de faire connaître au roi celle du Saint-Père sur un sujet aussi grave, je n'étais pas appelé à la combattre. Que diront vos journaux ? A repris le pape avec une sorte de gaieté. Ils parlent beaucoup, ceux des Pays-Bas encore davantage. Mais on me mente qu'une heure après avoir lu leurs articles, personne n'y pense plus dans votre pays. C'est la pure vérité, très Saint-Père. Vous voyez comme la Gazette de France m'arrange. Car je sais que sa sainteté lit tous nos journaux, sans en excepter le courrier. Le souverain pontife me traite pourtant avec une extrême bonté. J'ai donc lieu de croire que la Gazette ne lui fait pas un grand effet. Le pape rit en secouant la tête. Eh bien, très Saint-Père, il en est des autres comme de votre sainteté. Si le journal dit vrai, la bonne chose qu'il a dite reste. S'il dit faux, c'est comme s'il n'avait rien dit du tout. Le pape doit s'attendre à des discours pendant la session. L'extrême droite soutiendra que M. le cardinal Bernetti n'est pas un prêtre et que ses lettres sur les ordonnances ne sont pas articles de foi. L'extrême gauche déclarera qu'on n'avait pas besoin de prendre les ordres de Rome. La majorité applaudira la déférence du conseil du roi et louera hautement l'esprit de sagesse et de paix de votre sainteté. Cette petite explication a paru charmer le Saint-Père, content de trouver quelqu'un instruit du jeu des rouages de notre machine constitutionnelle. Enfin, monsieur le comte, pensant que le roi et son conseil seraient bien aises de connaître la pensée du pape sur les affaires actuelles de l'Orient, j'ai répété quelques nouvelles de journaux, n'étant point autorisé à communiquer au Saint-Siège ce que vous m'avez mandé de positif dans votre dépêche du 18 décembre sur le rappel de notre expédition de Morée. Le pape n'a point hésité à me répondre. Il m'a paru alarmé de la discipline militaire imprudemment enseignée aux Turcs. Voici ses propres paroles. Si les Turcs sont déjà capables de résister à la Russie, quelle sera leur puissance quand ils auront obtenu une paix glorieuse? Qui les empêchera, après 4 ou 5 années de repos et de perfectionnement dans leur tactique nouvelle, de se jeter sur l'Italie? Je vous l'avouerai, monsieur le comte, en retrouvant ces idées et ces inquiétudes dans la tête du souverain le plus exposé à ressentir le contre-coup de l'énorme erreur que l'on a commise. Je me suis applaudi de vous avoir montré, avec plus de détails, dans ma note sur les affaires d'Orient, les mêmes idées et les mêmes inquiétudes. Il n'y a, a ajouté le pape, qu'une résolution ferme de la part des puissances alliées qui puisse mettre un terme au malheur dont l'avenir est menacé. La France et l'Angleterre sont encore à temps pour tout arrêter, mais si une nouvelle campagne s'ouvre, elle peut communiquer le feu à l'Europe et il sera trop tard pour l'éteindre. Réflexion d'autant plus juste, ai-je reparti, que si l'Europe se divisait, ce qu'à Dieu ne plaise, 50 000 Français remettraient tout en question. Le pape n'a point répondu. Il m'a paru seulement que l'idée de voir les Français en Italie ne lui inspirait aucune crainte. On est là, partout, de l'inquisition de la cour de Vienne, de ses tracasseries, de ses empiètements continuels et de ses petites trames pour unir dans une confédération contre la France des peuples qui détestent le joug autrichien. Tel est, monsieur le comte, le résumé de ma longue conversation avec sa sainteté. Je ne sais si l'on a jamais été à même de connaître plus à fond les sentiments intimes d'un pape. Si l'on n'a jamais entendu un prince qui gouverne le monde chrétien s'exprimer avec tant de netteté sur des sujets aussi vastes, aussi en dehors du cercle étroit des lieux communs diplomatiques. Ici, point d'intermédiaire entre le souverain pontife et moi, il était aisé de voir que Léon XII, par son caractère de candeur, par l'entraînement d'une conversation familière, ne dissimulait rien et ne cherchait point à tromper. Les penchants et les vœux du pape sont évidemment pour la France. Lorsqu'il a pris les clés de Saint-Pierre, il appartenait à la faction des Zelanti. Aujourd'hui, il a cherché sa force dans la modération. C'est ce qu'enseigne toujours l'usage du pouvoir. Par cette raison, il n'est point aimé de la faction cardinaliste qu'il a quittée. N'ayant trouvé aucun homme de talent dans le clergé séculier, il a choisi ses principaux conseils dans le clergé régulier, d'où il arrive que les moines sont pour lui, tandis que les prélats et les simples prêtres lui font une espèce d'opposition. Ceux-ci, quand je suis arrivé à Rome, avaient tous l'esprit plus ou moins infecté des mensonges de notre congrégation. Aujourd'hui, ils sont infiniment plus raisonnables. Tous, en général, blâment la levée de boucliers de notre clergé. Il est curieux de remarquer que les jésuites ont autant d'ennemis ici qu'en France. Ils ont surtout pour adversaires les autres religieuses et les autres chefs d'ordre. Ils avaient formé un plan au moyen duquel ils se seraient emparés exclusivement de l'instruction publique à Rome. Les dominicains ont déjoué ce plan. Le pape n'est pas très populaire parce qu'il administre bien. Sa petite armée est composée de vieux soldats de Bonaparte qui ont une tenue très militaire et font bonne police sur les grands chemins. Si Rome matérielle a perdu sous le rapport pittoresque, elle a gagné en propreté et en salubrité. Sa sainteté fait planter des arbres, arrêter des ermites et des mendiants, autre sujet de plainte pour la populace. Léon XII est grand travailleur. Il dort peu et ne mange presque point. Il ne lui est resté de sa jeunesse qu'un seul goût, celui de la chasse, exercice nécessaire à sa santé qui, d'ailleurs, semble s'affermir. Il tire quelques coups de fusil dans la vaste enceinte des jardins du Vatican. Les Zelanti ont bien de la peine à lui pardonner cette innocente distraction. On reproche au pape de la faiblesse et de l'inconstance dans ses affections. Le vice radical de la constitution politique de ce pays est facile à saisir. Ce sont des vieillards qui nomment pour souverain un vieillard comme eux. Ce vieillard devenu maître nomme à son tour cardinaux des vieillards. Tournant dans ce cercle vicieux, le suprême pouvoir énervé est toujours ainsi au bord de la tombe. Le prince n'occupe jamais assez longtemps le trône pour exécuter les plans d'amélioration qu'il peut avoir conçus. Il faudrait qu'un pape eût assez de résolution pour faire tout à coup une nombreuse promotion de jeunes cardinaux, de manière à assurer la majorité à l'élection future d'un jeune pontife. Mais les règlements de Sixte Quint, qui donnent le chapeau à des charges du palais, l'empire de la coutume et des mœurs, les intérêts du peuple qui reçoit des gratifications à chaque mutation de la tiare, l'ambition individuelle des cardinaux qui veulent des règnes courts, afin de multiplier les chances de la papauté, 1000 autres obstacles trop longs à déduire s'opposent au rajeunissement du sacré collège. La conclusion de cette dépêche, monsieur le comte, est que dans l'état actuel des choses, le roi peut compter entièrement sur la cour de Rome. En garde contre ma manière de voir et de sentir, si j'ai quelques reproches à me faire dans le récit que j'ai l'honneur de vous transmettre, c'est d'avoir plutôt affaibli qu'exagéré l'expression des paroles de sa sainteté. Ma mémoire est très sûre, j'ai écrit la conversation en sortant du Vatican, et mon secrétaire intime n'a fait que la copier mot à mot sur ma minute. Celle-ci, tracée rapidement, était à peine lisible pour moi-même, vous n'auriez jamais pu la déchiffrer. J'ai l'honneur d'être, etc. À Madame Récamier. Rome, mardi 13 janvier 1829. Hier au soir, je vous écrivais à 8 heures la lettre que M. Duvivier vous porte. Ce matin, à mon réveil, je vous écris encore par le courrier ordinaire qui part à midi. Vous connaissez les pauvres dames de Saint-Denis. Elles sont bien abandonnées depuis l'arrivée des grandes dames de la Trinité du Mont. Sans être l'ennemi de celle-ci, je me suis arrangé avec Madame de CH du côté du faible. Depuis un mois, les dames de Saint-Denis voulaient donner une fête à Monsieur l'ambassadeur et à Madame l'ambassadrice. Elle a eu lieu hier à midi. Figurez-vous un théâtre arrangé dans une espèce de sacristie qui avait une tribune sur l'église. Pour acteurs, une douzaine de petites filles, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 14 ans, jouant les Maccabées. Elles s'étaient fait elles-mêmes leurs casques et leurs manteaux. Elles déclamaient leurs vers français avec une verve et un accent italien le plus drôle du monde. Elles tapaient du pied dans les moments énergiques. Il y avait une nièce de Pissette, une fille de Torswalsten et une autre fille de Chauvin le peintre. Elles étaient jolies incroyablement dans leur parure de papier. Celle qui jouait le grand prêtre avait une grande barbe noire qui la charmait mais qui la piquait et qu'elle était obligée d'arranger continuellement avec une petite main blanche de 13 ans. Pour spectateurs, nous, quelques mères, les religieuses, Madame Salvage, 2 ou 3 abbés et une autre vingtaine de petites pensionnaires, toutes en blanc, avec des voiles. Nous avions fait apporter de l'ambassade des gâteaux et des glaces. On jouait du piano dans les entr'actes, jugeait des espérances et des joies qui ont dû précéder cette fête dans le couvent et des souvenirs qui la suivront. Le tout a fini par « Vivat in aertum » chanté par 3 religieuses dans l'église. Rome, le 15 janvier 1829. À vous encore. Cette nuit, nous avons eu du vent et de la pluie comme en France. Je me figurais qu'il battait votre petite fenêtre. Je me trouvais transporté dans votre petite chambre. Je voyais votre harpe, votre piano, vos oiseaux. Vous me jouiez mon air favori ou celui de Shakespeare. Et j'étais à Rome, loin de vous. 400 lieues et les Alpes nous séparaient. J'ai reçu une lettre de cette dame spirituelle qui venait quelquefois me voir au ministère. Jugez comme elle me fait bien la cour. Elle est turque, enragée. Mahmoud est un grand homme qui a devancé sa nation. Cette Rome, au milieu de laquelle je suis, devrait m'apprendre à mépriser la politique. Ici, la liberté et la tyrannie ont également péri. Je vois les ruines confondues de la République romaine et de l'Empire de Tibère. Qu'est-ce aujourd'hui que tout cela dans la même poussière? Le capucin qui balaye en passant cette poussière avec sa robe ne semble-t-il pas rendre plus sensible encore la vanité de tant de vanités? Cependant, je reviens malgré moi aux destinées de ma pauvre patrie. Je lui voudrais religion, gloire et liberté, sans songer à mon impuissance pour la parer de cette triple couronne. Rome, jeudi 5 février 1829. Torre Vergata est un bien de moine situé à 1 lieue à peu près du tombeau de Néron, sur la gauche en venant de Rome, dans l'endroit le plus beau et le plus désert. Là est une immense quantité de ruines à fleurs de terre, recouvertes d'herbes et de chardons. J'y ai commencé une fouille avant-hier mardi en cessant de vous écrire. J'étais accompagné d'Hyacinthe de Visconti qui dirige la fouille. Il faisait le plus beau temps du monde. Une douzaine d'hommes, armés de bêches et de pioches, qui déterraient des tombeaux et des décombres de maisons et de palais dans une profonde solitude, offraient un spectacle digne de vous. Je faisais un seul vœu, c'était que vous fussiez là. Je consentirais volontiers à vivre avec vous sous une tente au milieu de ces débris. J'ai mis moi-même la main à l'œuvre, j'ai découvert des fragments de marbre. Les indices sont excellents. J'espère trouver quelque chose qui me dédommagera de l'argent perdu à cette loterie des morts. J'ai déjà un bloc de marbre grec, assez considérable, pour faire le buste du poussin. Cette fouille va devenir le but de mes promenades. Je vais aller m'asseoir tous les jours au milieu de ces débris. À quel siècle, à quels hommes appartenaient-ils? Nous remuons peut-être la poussière la plus illustre, sans le savoir. Une inscription viendra peut-être éclairer quelques faits historiques, détruire quelques erreurs, établir quelques vérités. Et puis, quand je serai parti avec mes 12 paysans demi-nus, tout retombera dans l'oubli et le silence. Vous représentez-vous toutes les passions, tous les intérêts qui s'agitaient autrefois dans ces lieux abandonnés? Il y avait des maîtres et des esclaves, des heureux et des malheureux, de belles personnes qu'on aimait et des ambitieux qui voulaient être ministres. Il y reste quelques oiseaux et moi, encore pour un temps fort court. nous nous envolerons bientôt ? Dites-moi, croyez-vous que cela vaille la peine d'être un des membres du conseil d'un petit roi des Gaules, moi, barbare de l'Armorique, voyageur chez des sauvages d'un monde inconnu des Romains, et ambassadeur auprès de ces prêtres qu'on jetait au lion ? Quand j'appelais Léonidas à Lacédémone, il ne me répondit pas. Le bruit de mes pas à Torre Vergata n'aura réveillé personne. Et quand je serai à mon tour dans mon tombeau, je n'entendrai pas même le son de votre voix. Il faut donc que je me hâte de me rapprocher de vous et de mettre fin à toutes ces chimères de la vie des hommes. Il n'y a de bon que la retraite et de vrai qu'un attachement comme le vôtre. Rome, ce 7 février 1829. J'ai reçu une longue lettre du général Guilmino. Il me fait un récit lamentable de ce qu'il a souffert dans des courses sur les côtes de la Grèce. Et pourtant Guilmino était ambassadeur. Il avait de grands vaisseaux et une armée à ses ordres. Aller, après le départ de nos soldats, dans un pays où il ne reste pas une maison et un champ de blé, parmi quelques hommes épars, forcés à devenir brigands par la misère, ce n'est pas pour une femme, Madame Lenormand, un projet possible. J'irai ce matin à ma fouille. Hier, nous avons trouvé le squelette d'un soldat goth et le bras d'une statue de femme. C'était rencontrer le destructeur avec la ruine qu'il avait faite. Nous avons une grande espérance de retrouver ce matin la statue. Si les débris d'architecture que je découvre en valent la peine, je ne les renverserai pas pour vendre les briques comme on fait ordinairement. Je les laisserai debout et ils porteront mon nom. Ils sont du temps de Domitien. Nous avons une inscription qui nous l'indique. C'est le beau temps des arts romains. Dépêche à Monsieur le Comte Portalis. Rome, ce lundi 9 février 1829. Mort de Léon XII. Monsieur le Comte, sa sainteté a ressenti subitement une attaque du mal auquel elle est sujette. Sa vie est dans le plus imminent danger. On vient d'ordonner de fermer tous les spectacles. Je sors de chez Monsieur le Cardinal secrétaire d'État, qui lui-même est malade et qui désespère des jours du pape. La perte de ce souverain pontife si éclairé et si modéré serait dans ce moment une vraie calamité pour la chrétienté et surtout pour la France. J'ai cru, monsieur le comte, qu'il importait au gouvernement du roi d'être prévenu de cet événement probable, afin qu'il pût prendre d'avance les mesures qu'il jugerait nécessaires. En conséquence, j'ai expédié pour Lyon un courrier à cheval. Ce courrier porte une lettre que j'écris à monsieur le préfet du Rhône avec une dépêche télégraphique qu'il vous transmettra et une autre lettre que je le prie de vous envoyer par estafette. Si nous avons le malheur de perdre sa sainteté, un nouveau courrier vous portera jusqu'à Paris tous les détails. J'ai l'honneur, etc. 8 heures du soir. La congrégation des cardinaux déjà rassemblée a défendu au cardinal secrétaire d'État de délivrer des permis pour des chevaux de poste. Mon courrier ne pourra partir qu'après le départ du courrier du Sacré-Collège en cas de mort du pape. J'ai essayé d'envoyer un homme porter mes dépêches à la frontière de la Toscane. Les mauvais chemins et le manque de chevaux de louage ont rendu ce dessein impraticable. Forcé d'attendre dans Rome, devenue une espèce de prison fermée, j'espère toujours que la nouvelle, au moyen du télégraphe, vous parviendra quelques heures avant qu'elle soit connue des autres gouvernements au-delà des Alpes. Il pourrait se faire néanmoins que le courrier envoyé au nonce, et qui sera parti nécessairement avant le mien, vous donna lui-même, en passant à Lyon, la nouvelle par le télégraphe. Mardi 10 février, 9 heures du matin. Le pape vient d'expirer. Mon courrier part. Dans quelques heures, il sera suivi de M. le comte de Montebello, attaché à l'ambassade. Rome, ce 10 février 1829. Monsieur le comte, j'ai expédié à Lyon, il y a environ 2 heures, le courrier extraordinaire à cheval qui vous transmettra la nouvelle imprévue et déplorable de la mort de sa sainteté. Maintenant, je fais partir monsieur le comte de Montebello, attaché à l'ambassade, pour vous porter quelques détails nécessaires. Le pape est mort de cette affection hémorroïdale à laquelle il était sujet. Le sang s'est emporté sur la vessie, occasionna une rétention qu'on essaya de soulager au moyen de la sonde. On croit que sa sainteté a été blessée dans l'opération. Quoi qu'il en soit, après 4 jours de souffrance, Léon XII a expiré ce matin à 9 heures, comme j'arrivais au Vatican, où un agent de l'ambassade avait passé la nuit. La lettre partie par mon premier courrier vous informe, monsieur le comte, de mes inutiles efforts pour obtenir le permis des chevaux de poste avant la mort du pape. Hier, je me rendis chez le cardinal secrétaire d'État, encore très souffrant d'un violent accès de goutte. J'eus avec lui un assez long entretien sur les suites du malheur dont nous étions menacés. Je déplorais la perte d'un prince dont les sentiments modérés et la connaissance des affaires de l'Europe étaient si utiles au repos de la chrétienté. « C'est, me répondit le secrétaire d'État, non seulement un grand malheur pour la France, mais un plus grand malheur pour l'État romain que vous ne l'imaginez. Le mécontentement et la misère sont grands dans nos provinces, et pour peu que les cardinaux croient devoir suivre un autre système que celui de Léon XII, ils verront comment ils s'en tireront. Quant à moi, mes fonctions cessent avec la vie du pape, et je n'aurai rien à me reprocher. Ce matin, j'ai revu le cardinal Bernetti, qui, en effet, a cessé ses fonctions de secrétaire d'État. Il m'a tenu le langage de la veille. Je lui ai demandé à le rencontrer avant qu'il s'enfermât dans le conclave. Nous sommes convenus que nous parlerions du choix d'un souverain pontife qui pourrait être le continuateur du système de modération de Léon XII. J'aurai l'honneur de vous transmettre tous les renseignements que je recueillerai. Il est probable que la mort du pape et la chute du cardinal Bernetti vont réjouir les ennemis des ordonnances. Ils proclameront cet événement malheureux une punition du ciel. Il est aisé déjà de lire cette pensée sur quelques visages français à Rome. Je regrette doublement le pape. J'avais eu le bonheur de gagner sa confiance. Les préjugés que l'on avait pris soin de faire naître contre moi dans son esprit avant mon arrivée s'étaient dissipés. Il me faisait l'honneur de témoigner hautement et publiquement, en toute occasion, l'estime qu'il voulait bien me porter. Maintenant, monsieur le comte, permettez-moi d'entrer dans l'explication de quelques faits. J'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque de la mort de Pie VII. Vous trouverez dans les cartons du ministère, si vous jugez à propos d'en prendre connaissance, la suite de mes relations avec monsieur le duc de Laval. L'usage est à la mort d'un pape d'envoyer un ambassadeur extraordinaire ou d'accréditer l'ambassadeur résident par de nouvelles lettres auprès du Sacré Collège. C'est ce dernier parti que je proposais de suivre à feu Sa Majesté Louis XVIII. Le roi ordonnera ce qu'il croira de meilleur pour son service. Quatre cardinaux français vinrent à Rome pour l'élection de Léon XII. La France en compte aujourd'hui cinq. C'est certainement un nombre de voix qui n'est pas à dédaigner dans le conclave. J'attends, monsieur le comte, les ordres du roi. Monsieur de Montebello, chargé de vous remettre cette dépêche, restera à votre disposition. J'ai l'honneur, etc., etc. À Madame Récamier, Rome, 10 février 1829, 11h du soir. Je voulais vous écrire une longue lettre, mais la dépêche que j'ai été obligée d'écrire de ma propre main et la fatigue de ces derniers jours m'ont épuisé. Je regrette le pape. J'avais obtenu sa confiance. Me voilà maintenant chargé d'une grande mission. Il m'est impossible de savoir quel en sera le résultat et quelle influence elle aura sur ma destinée. Les conclaves durent ordinairement 2 mois, ce qui me laissera toujours libre pour Pâques. Je vous parlerai bientôt à fond de tout cela. Imaginez-vous qu'on a trouvé ce pauvre pape, jeudi dernier, avant qu'il fût malade, écrivant son épitaphe. On a voulu le détourner de ses tristes idées. Mais non, a-t-il dit, cela sera fini dans peu de jours. Jeudi, Rome, 12 février 1829. Je lis vos journaux, ils me font souvent de la peine. Je vois dans le globe que M. le comte Portalis est, selon ce journal, mon ennemi déclaré. Pourquoi ? Est-ce que je demande sa place ? Il se donne trop de peine, je ne pense point à lui. Je lui souhaite toutes les prospérités possibles. Mais pourtant, s'il était vrai qu'il voulût la guerre, il me trouverait. On me semble déraisonner sur tout, et sur l'immortel Mahmoud, et sur l'évacuation de la Morée. Dans les chances les plus probables, cette évacuation remettra la Grèce sous le joug des Turcs, avec la perte pour nous de notre honneur et de 40 millions. Il y a prodigieusement d'esprit en France, mais on manque de tête et de bon sens. De phrases nous enivrent, et on nous mène avec des mots, et ce qu'il y a de pis, c'est que nous sommes toujours prêts à dénigrer nos amis et à élever nos ennemis. Au reste, n'est-il pas curieux que l'on fasse tenir au roi, dans un discours, mon propre langage, sur l'accord des libertés publiques et de la royauté, et qu'on m'en ait tant voulu pour avoir tenu ce langage ? Et les hommes qui font parler ainsi la couronne étaient les plus chauds partisans de la censure. Au surplus, je vais voir l'élection du chef de la chrétienté. Ce spectacle est le dernier grand spectacle auquel j'assisterai dans ma vie. Il clora ma carrière. Maintenant que les plaisirs de Rome sont finis, les affaires commencent. Je vais être obligé d'écrire d'un côté au gouvernement tout ce qui se passe, et de l'autre de remplir les devoirs de ma position nouvelle. Il faut complimenter le sacré collège d'assister aux funérailles du Saint-Père auquel je m'étais attaché, parce qu'on l'aimait peu, et d'autant plus qu'ayant craint de trouver en lui un ennemi, j'ai trouvé un ami qui, du haut de la chaire de Saint-Pierre, a donné un démenti formel à mes calomniateurs chrétiens. Puis vont me tomber sur la tête les cardinaux de France. J'ai écrit pour faire des représentations au moins sur l'archevêque de Toulouse. Au milieu de tous ces tracas, le monument du Poussin s'exécute. La fouille réussit. J'ai trouvé trois belles têtes, un torse de femme drapé, une inscription funèbre d'un frère pour une jeune sœur, ce qui m'a attendri. À propos d'inscription, je vous ai dit que le pauvre pape avait fait la sienne la veille du jour où il est tombé malade, prédisant qu'il allait bientôt mourir. Il a laissé un écrit où il recommande sa famille indigente au gouvernement romain. Il n'y a que ceux qui ont beaucoup aimé qui aient de pareilles vertus. Fin de la section 40.